cage. Tu choisis tes amis chez des gens plutôt louches. Dans ton blouson noir, tu fais trembler la planète. Tu t'empares des cœurs comme un vrai pickpocket. Rien qu'à claquer des doigts, à onduler des hanches, d'un seul sourire, voilà que toutes les filles flanchent. Le plaisir pour toi, c'est toujours donnant, donnant. Quant au reste, ça dépend de la couleur du vent. Sans laisser d'adresse, tu pars en vitesse, à la vitesse du son. Comme un mauvais garçon, sans répiner au fond, jusqu'au dernier frisson. La nuit te colle à la peau, comme un mauvais garçon. Mauvais, mauvais garçon. On dit que tu peux jeter de la poudre aux yeux. Tes secrets, tu joues un jeu dangereux. On pose des questions, on veut que tu t'expliques. Alors qu'au fond, tu es un super romantique. Qui saurait deviner, sans se tromper d'ailleurs, que sous des airs blasés, tu rêves du bonheur. Le plaisir pour toi, c'est toujours donnant, donnant. Quant au reste, ça dépend de la couleur du vent. Sans laisser d'adresse, tu pars en vitesse, à la vitesse du son, comme un mauvais garçon. Sans répit ni repos, jusqu'au dernier frisson. Jusqu'au dernier frisson.